par la lucarne entrebâillée. La lumière s'est infiltrée. Les endroits sombres étincellent. Tout reviendra au fil du temps. Laissez passer, laissez venir. Ouvrez votre esprit, votre âme en devenir. Tout vient à point, tout vient à point. Plus de salissure, nettoyez la pourriture. Tout vient à point, tout vient à point. Reviens de là, lavons les camas. Une nouvelle ère est arrivée. L'humanité pourra parler. Tous les canons se seront tus. Distribuons des fleurs dans la rue. Laissez parler, laissez paraître. Ouvrez vos portes, la violence va disparaître. Hier encore nous étions peu, mais aujourd'hui tu t'iras mieux. Commerce équitable, jour de liesse. Pollution éradiquée, jamais plus de sécheresse. Laissez passer, laissez venir. Ouvrez votre esprit, votre âme en devenir. Tout vient à point. Plus de salissure, nettoyez la pourriture. Tout vient à point, tout vient à point. Reviens de là, lavons les camas. Par la lucarne entrebâillée, l'espoir du monde s'est infiltré. L'humanité sonne son réveil. Le fil du temps a fait son œuvre. Ça s'est passé, tout est venu. Votre esprit et votre âme vous sont revenus. Tout vient à point, tout vient à point. Plus de salissure, nettoyez la pourriture. Tout vient à point, tout vient à point. Reviens là, lavons les camas. Nettoyez la pourriture. Tout vient à point, tout vient à point. Reviens.